Comme disait mon ami, vous savez que j'ai des amis imaginaires, mais quelquefois réels, je vous le nommerai à la fin. Tout ce que tu peux faire ou rêver de faire, entreprends-le. L'audace est porteuse de génie, de pouvoir et de magie. Oh, oh, oh, c'est qui a écrit ça, mon cher Renal? Renal est en retard. Oui, Renal est parti chercher son livre de Goethe. Goethe. Ouais, Goethe Tremblay. Non, mais c'est lui qui a dit ça, là. Tout ce que tu peux faire ou rêver de faire, entreprends-le. L'audace est porteuse de génie, de pouvoir et de magie. Goethe. Aujourd'hui, le lundi 26 décembre 2022, monte le volume, monte. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bintumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Bonjour, Huguette, n'oublie pas que je suis prête. Et s'il te fait de la peine, rappelle-toi ce poème. Oh chérie, trempe ton ennui dans l'eau de mon plaisir. Tu seras humectée de joie et de désir. Oui chérie, trempe ton ennui dans l'eau de mon plaisir. Et je te protégerai de la brise. Je t'ai vu dans les bras de sa Chevrolet. Il t'a manqué le respect. En te caressant l'abdomen, il t'a dit le mot « je t'aime ». Je sais bien qu'un jour, tu me reviendras pour sauter sur mes bras. En attendant, je ne m'en fais pas, car je suis dans le coma. Oh chérie, trempe ton ennui dans l'eau de mon plaisir. Tu seras humectée de joie et de désir. Oui chérie, trempe ton ennui dans l'eau de mon plaisir. Et je te protégerai de la brise. Ah oui, janvier. La morale de cette chanson, c'est qu'il y a des gens bons qui feront un jour, si tu le veux bien, mon amour de petit boudin. Oh chérie, trempe ton ennui dans l'eau de mon plaisir. Tu seras humectée de joie et de désir. Oui chérie, trempe ton ennui dans l'eau de mon plaisir. Et je te protégerai de la brise. Parce que c'est Paul et Paul. Mais oubliez le « et » parce qu'il n'était pas là, lui. Alors donc, c'est les deux Paul et non pas les trois. Mais suivez-vous, Madame Tremblay. Vous cherchez votre dentier, c'est pas le temps, là. Moi, j'irai voir soit dans un petit bol d'eau ou ben non, dans les toilettes. Mais j'espère que c'est dans le bol d'eau. Quoique, des fois, les toilettes sont plus propres que le bol d'eau, dépendant qui a bu dedans. Ben, hein, c'est intelligent. L'errance rénadienne, mademoiselle, c'est fait pour les gens qui sont un cran supérieur à l'infini, oui. L'infini n'a pas de limite. Errance rénadienne non plus. CKRL non plus. Depuis quand CKRL a des limites? En parlant de limites, je me suis procuré l'album de Paul et Paul, l'intégrale de Paul et Paul. Un prix de fou! Un prix de fou! Quand je vous dis fou, ça prend un fou pour acheter une affaire aussi chère que ça. C'est un double disque. Là, cette chanson-là, vous l'avez entendue, c'est un 33 tours, ça tic-tic-tic, hein? On entendait les tic-tic. C'est pas moi un album vinyle. Mais là, je deviens sénile un peu, là. Je connais ça, la sénilité, moi. Ben, ça fait 15 ans, 16 ans que je fais cette émission-là. 17, 18. Je pense 18. Faudrait que je regarde mes archives. Là. Moi, je me penche pas sur mes archives parce que j'ai un mal de dos. Si je me penche, j'ai bien peur de plus me relever. Puis si tu vas dans le passé, tu vas toujours tomber là-dedans. Tu vois plus de nouveautés. Il y en a qui sont morts là, dans ce genre de trucs-là. Dans le monde artistique, chanson, dans la chanson, là. On peut pas les nommer parce qu'il y en a tellement. Vous savez, voyons donc. Oui, je me parle à moi. Oui, vous savez, les ceux là, des années 70, 60, fin 60, début 70, qui ont eu des gros succès, là, puis qui ont resté là-dessus. Puis même, il y a des gens de un seul succès. Voulez-vous, genre, bon, OK, dur d'être un bébé dans les années 80, fin des années 80, 90. Ben, le petit Jordi, là, je pourrais le rencontrer à mon émission. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise, là? Sa progression artistique, il n'y en a pas. Il a fait une chanson parce que son père avait des mixeurs, un peu comme moi chez moi, là. Tu sais, si j'ai un enfant, si à un moment donné, là, je trouve la fille qui va vraiment au diapason de ma synthétisation, ça veut rien dire, hein? Non, au diapason de mes inspirations. À nos diapasons, parce que c'est pas juste mes diapasons, c'est nos, non, c'est, on est deux, là, dans une aventure. Et puis, si elle a des enfants, ben, ils viennent ici, ils peuvent s'amuser, il y a des consoles, il y a de la sonorité au maximum, on peut faire des effets spéciaux, on peut refaire le monde, on peut faire de la lecture, puis après ça, placer de la musique. On peut faire des émissions, ben, exemple, vous écoutez une émission faite dans mon petit studio, pas le grand studio. Le grand studio, c'est celui des abeilles, mais je n'y vais plus très souvent. En fait, je franchis la porte, puis je pourrais m'y retrouver, mais c'est parce que... On va être bien franc, là. Rapprochez-vous. Il y a des gens qui habitent en haut, dans une maison. Mais comme j'ai respect pour les gens qui habitent en haut, là, vous vous dites, qu'est-ce qu'ils trouvent en haut, là? C'est quoi? C'est la salle de bain? Mais non, c'est leur chambre. Alors, tu commences à faire des émissions. Vous savez que le son monte, la senteur monte, le génie monte. Hey, en parlant de génie monte, là, J'ai appelé la grande comédienne de Jenny Montes in the Purple, celle qui faisait des actes au 360 degrés, la Linda Blair. Elle se prenait, oui, mais elle était influençable, là, 100%. Hein? Tu lui disais bonjour, puis elle te répétait un genre de perroquet. Tu sais, il y en a plein d'enfants là, qui font des émissions, puis tu dis, ah, ils sont bons, hein? Ils vont imiter Elvis Presley, ils ont 6 ans. Ils n'ont jamais connu Elvis, là. Non. Non, ben en fait, ils l'ont connu, mais à travers les yeux de leurs parents. Oui, à l'école, Elvis Presley, c'est pas étudié, heureusement. Non. Parce que rock and roll, c'est pas Elvis Presley. Ben non, ça vient, c'est un peu plus foncé. Moins blanc. Oui. Les blancs sont accaparés tôt, hein, comme aujourd'hui, là. Mais le jazz, c'est pas les blancs, là. C'est nos amis. Les Noirs qui ont chanté et qui continuent à chanter la merveille musicale qui est enfermée, qui explose dans le blues. Non, qui n'est pas enfermée, qui explose dans le blues. Le jazz aussi, le folk. Et puis, à part ça, c'est comme la chanson de Nino Ferrer. La connaissez-vous? Ça réfléchit? À travers les... Ah, regarde-moi là, il dit réfléchir, mais il vient de répondre trop vite, là. La réflexion, c'est pas ton fort. Non, mais lui, il a jamais voulu non plus tromper son intelligence, parce que dans sa maison, comme dans certains, j'en connais deux, j'ai pas beaucoup de... Moi, mon cercle d'amis, là, c'est pas un cercle, c'est même... C'est une ligne. Une ligne. Non, pas comme Alain Bachoum, pas la ligne blanche, mais une ligne. Qu'est-ce que vous voulez dire, l'insignifiant? Ah oui, il n'y a pas de miroir. Il n'y a pas de, pas de miroir. Pas de miroir, parce que il se dit, on pourrait dire miroir. Oui, Rénal dirait miroir, mais là, c'est Rénal n'est pas là. Rénal ne veut pas passer à son émission actuellement. Mais il ne veut pas passer. Il passe, mais sans être connu. Lui, c'est comme une étoile filante. Puis là, quand il file trop, il roule trop vite, il s'en va trop vite. Là, tu te dis, voyons donc, c'est un missile, missile Gautier, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Je t'avais engagé pour pelleter mon sous-sol. Oui. Ben, en fait, c'est l'entrée de mon sous-sol, là. Mais c'est sûr que ça ramasse de la neige, là, c'est un creux. Donc, t'es dans un creux de vague. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Ta femme t'a abandonné. Ben non, elle fait juste... Elle veut juste vérifier si tu l'aimes vraiment. Moi, je connais ça, l'instinct féminin, là. C'est Rénal puis instinct féminin, c'est moi. Ah oui, moi, ils m'ont greffé un cœur de femme dans un corps d'homme. Ah oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que je ressens un peu la compréhension féminine. Ben, voyons donc. Penses-tu que je sors en bonne nylon? C'est pas ça que je veux. Non, tu comprends pas trop. Mais tu comprends, mais pas trop. Puis, si tu comprends pas trop, tu comprends pas vraiment assez. Fait qu'il te manque un peu, peut-être, de compréhension. Il te manque surtout de l'information. L'information, ça vient de ça. Du nouvel album. Cette ombre venue ici détruit tout. Quand la ville dort, moi je rêve du creux de ton cou. Comme c'est dommage. Qu'est-ce qui nous rapproche ce soir? Creux, t'es omniprésente, il t'est. Madame, mademoiselle, ce que je voulais vous dire, là, c'est que c'est le nouvel opus de Émilie Simon. Son plus récent disque. Ça vient pas de sortir là, pas dans la minute qui vient de lancer la musique à vos oreilles, mais il y a peut-être un an. Un an, facilement. Mais non, une petite année. Là. Tu sais, une petite année, moi, là, j'ai eu une petite année cette année. Oh, mon Dieu, une petite année, ben tannée. Oh, là, ben tannée. À la fin, là, j'étais tellement tanné que j'ai voulu ne plus revivre une année comme ça. Pis c'est rare que je dis ça, moi, là, hey! Ça fait combien de temps que je suis ici sur Terre, là? Ça fait 40, oui, je ne mens pas. Sinon, comme Pinocchio, je redeviens un pantin. Un pantin de ma vie, un pantin de... C'est vrai, hein? On est souvent des marionnettes dans la société. Hein? On s'attend. Les gens s'attendent à quelque chose de nous autres. Comme des marionnettes. Comment ça, quand je t'ai vu, tu m'as pas dit salut, comme d'habitude? Moi, mais là, j'ai pas le goût de dire salut de même, là. Comment ça? Tu vas pas bien? Oh, je vais bien, là, mais. Hey, mais non, mais. Ça peut-tu arriver qu'à un moment donné, on change de version, là? Tu sais, on change de mode. Tu sais, mais j'ai une platine, là, qui accepte le 33 tours, le 45 tours et le 78 tours. Ben, j'ai-tu le droit, à un moment donné, de passer du 33 au 78, du 78 au 45, sans que les gens me ramènent l'histoire? Ah, mais voyons donc, t'étais plus en forme hier! Ouais, mais là, je suis plus reposé, là. Ah, OK, fait que quand t'es agité, t'es pas trop... Non, je suis pas trop. Puis quand t'es relax, je suis... Je suis donc... Donc, tu m'énerves. Oh mon Dieu, j'ai entendu ça. Je suis donc, tu m'énerves. C'est de qui? C'est de Rénal Gagné. Ah, c'est qui ce gars-là? C'est moi. Ah, ben oui, j'oubliais. Moi, j'ai la tête fofolle. Hein? Ah mon Dieu. Mais ces gens-là, là, qui ont la tête fofolle, ils savent pas, là. Ils savent pas qu'il y a des degrés, il y a des moments. Puis, il y en a un qui me dit, moi, je suis naturel. Moi, je suis naturel. Ah, t'es naturel, OK. Tout le temps, tout le temps. Comme en disant, quand ils disent ça, là, moi je suis naturel, ça veut te planter l'épée dans le cœur en disant, toi tu l'es pas. Comme ça, je suis pas naturel. Hey, je mange des carottes naturelles. Je mange du céleri naturel. Je mange pas des burgers synthétiques. Fait que je vais pas dans le. Hein? Ouais, c'est oui. C'est de la censure. Ça veut dire quoi, ça? Tu sais, le W, oui, W. C'est quoi, Rod Burger? Non, mais à l'envers. Le W à l'envers. Et monsieur, attends un petit peu. W à l'envers. Ça veut dire que le burger est tombé sur le dos? Ouais, c'est ça. OK, reste là-dessus, là. C'est vraiment ta meilleure réflexion jusqu'à présent depuis la fin de l'année. Ouais, mais la fin de l'année, faut arrêter, comme on peut dire au Québec, faut arrêter de capoter là-dessus. Faut arrêter de synthétiser sur cette vibration qui veut nous amener dans une autre dimension. Non, c'est le contraire, je voulais dire. Faut partir sur d'autres dimensions. Ben oui! Parce que les dimensions peuvent nous stimuler. Moi, j'ai commencé à faire du yoga il y a à peu près un mois et demi. J'avais pas l'équipement, Dieu. Parce qu'il faut. Quand tu fais de genre de sport-là, là, parce que faites-vous-en pas, de la relaxation, c'est du sport. S'arrêter, puis de se centrer, c'est du sport. Pas besoin de courir après une rondelle, puis et le but, et le but. Pas besoin de ça. Pas besoin de ça. Juste le fait d'être ici et maintenant, concentré. Écouter Rancène Aldienne, mais peut-être pas très fort, parce que ça peut exciter certaines vibrations. Puis c'est très important quand vous faites une grande méditation sur vous, en fait, sur l'univers, parce que vous savez rien, c'est l'univers. Là. L'univers nous amène ici. Si on se parle, c'est grâce aux ondes radiophoniques. Les ondes, c'est très important. C'est pour ça que quand on est devant quelqu'un, on, t'sais, les vibrations sont pas bonnes. Il faut se fier à ça. même si ça titille comme ça, là, si ça fait tic, ça revient plus, dites-vous que ça a fait une fois tic, puis c'est pas pour rien. Posez-vous tout le temps des questions. Moi, je me pose souvent les mêmes questions. Où vais-je, qu'asperge Gainsbourg? Oui, ça n'a pas de sens, heureusement. Ben voyons donc, sinon on ne serait jamais errance rénaldienne. Hein, c'est vrai, hein? Le sens et le non-sens. Oh, laissons-nous bercer, c'est pas du yoga. J'avais été invité et je ne pensais n'avoir rien à gagner. C'était lors d'une soirée, je n'étais pas venu accompagner. Et puis j'ai vu la connaissance d'un ami éloigné. Elle était l'élégance, les chevilles au poignet. Elle parlait peu, elle observait, elle m'a regardé sans me voir. Les deux personnes avec elle me paraissaient des faire-valoir. Elle semblait seule dans la foule, je l'ai aperçue de loin. Elle écoutait le bruit du monde, un verre à la main. La musique devenait forte et couvrait les bavardages. La lumière devenait faible quand elle caressait son visage. Elle a traversé la salle tout droit dans ma direction. Elle a frôlé mon épaule sans y porter attention. Et soudain, d'un pas léger, elle s'est mise à danser. Comme si mes yeux devaient désormais être récompensés. Elle a éclipsé tout être humain présent sur son chemin. Elle a retourné mon esprit, un verre à la main. Il y avait trop de monde ce soir-là, j'avais la flemme de parler. Et pour poser mon verre, je ne savais pas où aller. Alors mon cocktail à la main, j'ai rejoint la piste de danse. J'ai fait exprès de frôler cet homme, même lointain d'une connaissance. Depuis qu'il est arrivé, il me regardait fixement. Je faisais mine de ne pas le voir, ça m'amusait énormément. S'il décidait de m'aborder, je nous laisserais sûrement une chance. Son regard me troublait, ça devenait une évidence. Elle semblait danser au ralenti et ses cheveux attachés dévoilaient sa nuque à laquelle mes yeux restaient accrochés. Pour savoir comment l'aborder, je devais me remettre à penser. Je cherchais mes phrases en attendant qu'elle arrête de danser. Il était derrière moi, mais je sentais sa présence. Je gardais ce verre à la main pour me redonner une contenance. J'arrêtais de danser pour qu'il vienne à ma rencontre. Je me retournais vers lui, je savais qu'il allait s'en rendre compte. Elle s'est retournée d'un seul coup, imaginez mon émotion, quand j'ai saisi son regard tout droit dans ma direction. Il fallait agir vite, l'occasion n'allait pas s'éterniser. Je cherchais une approche, mais mon cerveau semblait tétanisé. J'ai bien pensé à lui offrir du champagne ou du vin, mais on n'offre pas à boire à celle qui a déjà un verre à la main. Alors j'ai trouvé une autre idée, une option tout indiquée. Je vais moi aussi chercher un verre et revenir pour trinquer. Nous étions enfin face à face, mon regard dans son regard. Mais au lieu de s'approcher, il est parti vers le bar. N'était-ce pas moi qui le regardais? Je comprenais plus rien. Je restais seule, désorientée, un verre à la main. Je voulais en avoir le cœur net, comprendre sa disgrâce. Je décidais de le suivre au bar, mais je ne retrouvais pas sa trace. Il y avait tellement de monde. Allais-je à nouveau le rencontrer? Ou allais-je poser mon verre et me décider à rentrer? Je ne suis pas allé jusqu'au bar. Un serveur ambulant que j'ai croisé m'a proposé de disposer d'une flûte de champagne rosée. Le temps de le remercier puis de rejoindre la belle, je préparais le bon sourire pour enfin trinquer avec elle. Mais lorsque je suis revenu, elle avait disparu. Je l'ai cherchée, j'ai attendu, je ne l'ai jamais revue. Je ne connaîtrai jamais sa voix ni l'odeur de son parfum. Je restais seul, un verre à la main, un rêve à la fin. Une ville ou jusqu'à demain, à quoi ça tient? À quoi ça tient? Une danse, un geste, un verre à la main, ça tient à rien, ça tient à rien. Pour toute une vie ou jusqu'à demain, à quoi ça tient? À quoi ça tient? Dimanche après-midi, après être allé à la messe. Caché derrière un buisson, alors que je l'espionnais. J'ai achoumé, il m'a vu, il m'a dit, veux-tu mettre ta bouche entre mes... Oula, oula, oula, oula. J'aurais dû demander au bon Dieu avant de manger le chocolat. Oula, oula, oula. J'aurais dû demander au bon Dieu avant de manger. Sous un grand chapeau de paille, elle se mordillait l'index en fredonnant doucement la mélodie de l'Ave Maria. À quatre pattes dans la broussaille, plus le facteur humidex, ça fait que je suis rentré à la maison le visage plein Nutella. Toutes sortes de mensonges pour cacher notre gourmandise, comme si la vérité dormait quelque part au plus profond de nous. Hier, j'ai vu Annie Rose trembler Saint-Ange dans le parking de l'église, raconter l'histoire à ses amis cathos comme quoi je m'étais trompé de... C'est quoi? Mais c'est une carte de bingo. Ah, mon Dieu, je pensais avoir acheté un disque de Jérôme 50. Je me suis trompé, mais non. C'est une blague, là, quand on écrit bingo. Parce que Jérôme 50, tu sais, c'est comme B50, G50. C'est plutôt G50 parce que B50, ça se peut pas. Hey, mon Dieu, la professionnelle du bingo, c'est qui? Thérèse Baudouin. Oui, votre numéro de téléphone? Dans le codificateur, dans le 41414414416567. OK. Alors, vous gagnez un album de Jérôme 50. C'est pas vrai, je suis excité comme une Jérôme dans la foire. Et puis, je suis très, très excité. Et sinon? Mais sinon, vous écoutez quelle émission? J'écoute l'émission qui joue actuellement. Oui, sur quelle station? La station numéro 1 à Québec. Oui, c'est-à-dire? C'est-à-dire... C'est quoi, RL? Ça veut dire c'est quoi, RL? Comment ça, vous dites ça? Ben, parce qu'il me le dit à l'oreille. OK, vous venez de gagner l'album. Qu'est-ce que vous allez en faire? Ben là, ben, je vais l'écouter. Hein? Merci, monsieur. Vous êtes un animateur, vous? Non, moi, je suis réanimateur. Réanimateur de quelle émission? Ben, l'émission que vous écoutez, c'est... C'est difficile à entendre. Hein? C'est difficile à comprendre aussi. Là. C'est de la radio, mais Brigitte Fontaine aussi l'a chanté. Là. Ah, vous avez une connaissance? Vous connaissez Brigitte Fontaine? Ouais, mais parce qu'il en parle tellement. Qui ça? Ben, l'animateur de cette émission-là. Ben, l'émission s'appelle Elle s'appelle pas, là, elle s'écoute, là. Mais elle s'écoute comment? Elle s'écoute par la radio. Oui, mais le nom de l'émission que vous entendez actuellement. Arrêtez de répéter, là. Je suis pas une intellectuelle, moi. Je suis une secrétaire volante. Et puis, connaissez-vous le groupe Secrétaire Volante? Hey, ça rappelle pour les... Ouais, j'entends le... Ben oui, c'est sûr, les secrétaires volantes. Je connais pas ça. Moi, c'est quoi? Allez-y, vous l'avez. C'est quoi? Errance canadienne. Oui, c'est bien ça. Mais à quelle station? Ah, la station, c'est quoi RL? Ben oui, 89 ans à Québec. Je suis membre parce que je suis allé chercher mon petit carton pour avoir l'air intelligente, madame. Sincèrement, là, vous n'avez pas à avoir l'air, vous l'êtes. Ah, mon doux! Vous êtes un gentleman. C'est quoi? C'est un petit bonbon surette. Tu mets ça en dessous de la langue, là, c'est quand tu fais des crises d'amour, pas des crises de cœur, tu mets ça en dessous de la langue, puis là, tu vois plein d'étoiles, puis on vous voit aussi. Oh, mon doux! On me voit ou on me vous voit? Ah ben, on voit tout ça, là, puis c'est bon, là, mais c'est un peu, sur les joues, là, ça étire la joue. Puis quand on n'a pas de goût de rire ou de sourire, ben, ça vient tout seul. Ah, bon, vive les bonbons. Oui, vive le surette. Oui, vive, Jérôme 50. Faut pas travailler trop fort pour monter dans la hiérarchie. Faut pas travailler trop fort pour monter dans la hiérarchie. Mes chums me disent tellement wack de passer toute sa jeunesse à genoux, à plat ventre triste, aveugle, une corde au cou, à remplir des papiers pour ne plus être un sans-papier, un sans-dessin, un parasite, un déclassé, un pas vite. Ben mal vissé, un grand déficient, un gros déficit, un beau croque en jambe à société. Mais si on est des bons à rien, au moins on a du flair. Au nom de la loi, du moindre effort, que l'on s'arrête le temps de rien faire. C'est comme ça qu'on s'améliore. Faut pas travailler trop fort pour monter dans la hiérarchie. Faut pas travailler trop fort pour monter dans la hiérarchie. Ouais ben, mes chums capotent. En fait, ils trouvent ça drôle de nous voir courir après une carotte. Ça doit goûter les clés de vos propres menottes. Mais nous, on n'a pas les yeux plus grands que la panse. La méritocratie nous fait tomber sans connaissance, car l'ascension n'est pas sans souffrance lorsqu'on s'élève dans le non-sens. C'est un mouvement plutôt paradoxal, étant donné ces militants passifs et immobiles qui rêvent d'un renversement du modèle social. C'est une révolution tranquille. Faut pas travailler trop fort pour monter dans la hiérarchie. Je ne veux plus y aller, maman. Tes jambes bien serrées. qui me plaît dans cet extrait-là, parce que Jérôme 50 fait aussi de la musique avec de la chorale comme ça, qu'on vient d'entendre. C'est de la chorale, il y a des enfants. Ben oui, c'est une chorale, mais ça peut être autre chose, ça peut être d'autres personnes. Autre chose? Ah non, d'autres personnes, je me suis repris. Ah, vous vous reprenez constamment? Ben oui. On doit se reprendre constamment. On peut faire des erreurs dans la vie, mais le mieux, c'est quand on tombe, de se relever et de ne pas rechuter dans la même direction. Ouais, mais moi, c'est ça, j'ai arrêté de tourner en rond, hein, parce que, de un, je me demandais pourquoi je m'étourdissais, puis je tombais par terre. C'est parce que, à force de tourner en rond, ça nous étourdit. L'étourdissement de la vie. L'étourdissement, ça existe-tu? Ben oui. Tous les mots que vous dites, là, on va les mettre entre parenthèses. Fait que tout peut se dire entre parenthèses. Ah, mon Dieu! Errance rénaldienne, c'est de la parenthèse, oui, dans une vie. Puis même dans le globe terrestre, errance rénaldienne, c'est un petit point. Même pas. Même pas. C'est rien. C'est... Ah, ça veut dire ça? Errance rénaldienne, c'est... C'est quand même bon, c'est un son, ça, là. On peut-tu faire un... Oui, mais oui. Il y en a un qui a fait un succès, là. C'est Diffy Duck. Ouais, mais on essaie de parler avec ça. Dis bonjour, comment ça va? Monsieur, reprends. Pas pire, t'es pas pire. Mon direct est... Excuse-moi. Je vais pas dire une mauvaise blague, là. Oui, on a compris. Bonjour, comment ça va? Oh. Parfait, merci beaucoup. Sinon, qu'est-ce qui se passe ce soir? Ben oui, mais, hey, pas ce soir. Mais il y a deux jours. Il y a deux jours, on était... Attends un peu. Le temps passe très... Hein, oui, le mont Saint-Hilaire, il reste encore là, hein. Il y a encore des ovnis qui tombent là. Ils tombent pas, ils descendent. OK. Puis ils remontent après. Et c'est sûr que quand tu montes, tu redescends. Heureusement. Hein? Faut le dire. J'ai demandé ça à mon golfière. Il n'y a pas si longtemps. Je dis, hey, toi, quand tu montes, tu redescends. Elle dit, ben écoute, si je redescends pas, les gens qui vont être là, ils vont chercher. Parce que les gens qui sont en bas, là, en bas, c'est le socle, là, c'est le panier. Moi, j'ai des évités dans le panier. Mais beau dire monte, monte, monte, je monte. Puis là, je souhaite qu'il n'y ait pas de missile qui me crouse parce que ça pète. Puis là, le panier va tomber, mais avec une chute vertigineuse. Moi, j'ai pas de banderole pour ralentir, moi, là. Puis j'ai pas de j'ai pas de parachute. Oh, God. Get up! Mais non, moi, je suis une montgolfière. Moi, je suis fier de faire monter du monde, puis de leur faire montrer le beau pays, le bel endroit qu'ils viennent de qu'ils veulent visiter, mais d'en haut. Puis c'est beau, là-haut. C'est beau, là-haut. C'est beau, la terre. Et dire... Et puis, donc, moi, ma seule peur, là, c'est qu'on vienne péter. Péter mon ballon. Mon ballon dirigeable, comme le chantait Eric Chardon, hein? Dans Bienvenue à Montréal. Perdu dans Montréal. Bon, on la refera pas. Elle a déjà été faite. C'était moins bon que ce qu'il vient. Ce qu'il vient de faire là, c'est numéro un. Numéro un, mais numéro un, mais pas trop audible. Ouais, mais à force d'écouter, on peut apprécier. La preuve, il y a tellement de chanteurs, de chanteuses qui n'ont pas de talent, mais les producteurs, encore aujourd'hui, c'est comme ça. Le producteur dit, écoute, à la radio, là, écoute, Burberry Radio. C'est quoi, ça, Burberry Radio? Ben, c'est parce qu'on ne peut pas la dire, la radio, OK. Une radio commerciale. Tu me fais jouer mon artiste, là? OK. Six fois par jour, je te donne comme montant. Fait que la radio a besoin d'argent, là. Et monsieur a dit, OK, c'est quoi ta chanson? Ben, c'est celle-là. Oh, bon, alors, comment vous allez nous donner? On va vous donner ce que ça vaut, là, dollars, c'est-à-dire 15 000$. 15 000$ par semaine. Ah, c'est quand même très bien, là. Oui, on va vous la passer. Votre chanteuse, mais selon nous, là, écoutez, on est dans un cercle, là, un cercle audiophile, et puis, oh mon Dieu, c'est assez pauvre. Écoute, c'est pauvre maintenant, mais elle va s'enrichir. Ah, ben c'est sûr, là. J'espère que vous allez vendre des disques. OK. Fait que tu vas nous diffuser ça? Oui, mais pas errant canadienne, puis pas assez cohérent, hein. Allez ailleurs. Qui souvent dans la pomme n'empêche qu'elle n'a jamais eu de chum. Encore ce soir, elle donne son maximum sur la piste de danse d'une grande ville comme Amsterdam, Sao Paulo, Barcelone, Acapulco, Miami, Abu Dhabi, Dubaï ou Honolulu. Mais watch-toi bien quand t'as va asseoir son cul. Elle a un comportement anti-sportif quand elle joue à la chaise musicale. Elle a un comportement anti-sportif quand elle joue à la chaise musicale. Mais Rosalie semble nostalgique de la grande allée et des faux fonds électriques. Des beaux Québécois avec la barbe qui pique. Voilà qu'on arrête la musique, c'est la crise de panique. À Amsterdam, Sao Paulo, Barcelone, Acapulco, Miami, Abu Dhabi, Dubaï, Honolulu et bientôt Tchernobyl, Avignon, Monaco, Copenhague, Bangkok, Manchester. Tu lui offres un verre, elle te fait un doigt d'honneur. Elle a un comportement anti-sportif quand elle joue à la chaise musicale. Elle a un comportement anti-sportif quand elle joue à la chaise musicale. Elle a un comportement anti-sportif quand elle joue à la chaise musicale. Elle a un comportement anti-sportif quand elle joue à la chaise musicale. Yeah! We'll be right back.